Mais sinon, on fait ça 51 semaines par an et 3 fois par semaine. Donc c'est le mercredi soir, le vendredi soir et le dimanche matin. Donc pendant l'été, on peut prendre des baptêmes le dimanche ou en semaine. Par contre, en hiver, etc., on ne prend des baptêmes que le dimanche matin. Hein, puisqu'on est en semaine, on est à 6h30 dans l'eau. Et on fait une heure, même en hiver. Alors c'est une autre ambiance, on a tous une lampe sur le bras, et il fait sombre, donc on revient dans la pénombre. Et puis, donc là aussi, on a nos autres sens, au-delà de la vue, il y a justement le son qui fait que on se redirige, et puis voilà. Donc c'est une activité qui est super sympa. Vous verrez, pas un mot plus haut que l'autre, personne ne parle, pas de sourire. Il y en a déjà un qui s'affiche là de sourire. Non, c'est très convivial, très bienveillant aussi, on surveille les uns les autres, parce que on va arriver quand même dans un élément. Alors aujourd'hui notamment, la mer est un petit peu joueuse, donc on fait attention aux uns aux autres. Et puis après, le but c'est que ce soit une bonne expérience dans l'eau. Et dans l'eau, tout part. C'est un bon anti-stress, c'est pas encore remboursé par la Sécu, mais on y travaille. Ça fait du bien. Ça fait du bien au corps et à la tête. Alors, c'est une association 1901, donc c'est pas un club de sport avec des compétitions, etc. Le président est l'un des deux cofondateurs de l'activité, donc ça s'est créé ici en 2007. Donc le Longe-Côte, après, y a différents spots qui se sont faits un peu partout sur les bords de mer, même un peu à l'étranger. Et donc en 2007, c'était deux sportifs qui l'hiver voulaient s'entraîner et n'ayant pas trouvé d'activité, ils ont dit on va commencer à courir dans l'eau. Donc il y en a un qui faisait de l'aviron, l'autre qui fait pas mal de sport. Donc ils ont commencé la pratique, ils ont appelé des gens avec eux pour dire si ça vous dit, venez. Et ils ont essayé avec des pagaies, ils ont essayé, la corde est attachée, non, parce que comme on est dans un milieu naturel, c'est plus dangereux, parce qu'on risque de s'en mêler, etc. Donc c'est pour ça qu'on est solidaires, dans le sens où on est les uns avec les autres, on a donc des encadrants qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien et faire du préventif. On suit également les longes et parce qu'on connaît les endroits où il y a... Alors dans le sud, on dit des buy-in, nous on appelle ça des bâches. Donc quand on a pu pied, on fait ce qu'il faut en termes d'exercice de sécurité pour se ramener là où on a pied. Donc depuis 2007, donc vous calculez le nombre d'années et on a... C'est une asso d'environ 300 adhérents, dont une centaine d'actifs. Et dans l'eau, on peut être entre 40 et 100. À chaque sortie, ça dépend de la météo, de l'ambiance des gens, leur envie aussi. Et puis ce qui se passe, c'est que comme on est nombreux, on peut faire des lignes de niveau, alors de niveau de taille, puisque vous savez qu'on met de l'eau jusqu'à la poitrine. Tout le monde n'est pas égal, entre les 1m60 et les 1m90, donc on fait des lignes différentes, des longes différentes. Et puis en fonction du niveau sportif, parce qu'on a des équipes trail qui vont très vite, des équipes aventures qui vont vite, loisirs qui parlent et qui vont relativement plus ou moins vite, et on a après même les zen, des gens qui marchent dans l'eau, etc. Et donc c'est ouvert à tous âges, à tout type, et puis c'est un peu comme le carnaval, on est tous habillés pareil, donc c'est aussi un bon mélange social, et puis on se marre bien, ça c'est important. Vous voulez prendre un récit, monsieur ? On va vous faire un petit brief. Ouais.